Monsieur X a commencé par une question. « Savez-vous, m'a-t-il dit, ce que veut dire l'expression « il faut ramener le chat à la maison ?» J'ai avoué mon ignorance et Monsieur X, assez content de lui, ma foi, m'a expliqué ce que signifiait cette phrase énigmatique dans le jargon des services secrets, bien sûr. « Il faut ramener le chat à la maison » lorsqu'après avoir constaté des fuites importantes dans un système de sécurité, il convient d'identifier au plus vite le maillon défaillant et de s'assurer de la personne du fautif. Dans l'affaire que M. X m'a racontée cette semaine, le chat, Aldrich Ames, a été identifié très tardivement. Et avant son arrestation en 1994, il a eu le temps de provoquer des dégâts considérables. Peut-être même s'agit-il de la manœuvre de pénétration la plus importante qu'est subi l'un des plus grands services de renseignement au monde, je veux parler de la CIA. Peut-être avez-vous eu connaissance de cette affaire récente qui a fait scandale aux États-Unis et qui a encore un peu plus ruiné la confiance des Américains dans leurs services secrets. Une confiance déjà mise à mal à la suite de quelques échecs retentissants, mais dans le cas de Aldrich Ames, on atteignait des sommets car cet agent qui travaillait pour le KGB puis pour le SVR, le service qui lui a succédé après l'effondrement de l'URSS, n'était autre que le chef du contre-espionnage au sein de la CIA. Bref, l'homme chargé de traquer les taupes était lui-même une taupe. Ames a donc été démasqué. Il a avoué et il a été condamné à la prison à vie. Affaire classée ? Non, dit Monsieur X. Ce dossier n'a pas livré tous ses secrets. Pourquoi ? Parce que la CIA désirait malgré tout faire bonne figure malgré sa déconfiture, parce qu'elle ne voulait pas que l'opinion mesure exactement l'état des dégâts provoqués par cette taupe exceptionnelle, peut-être. Mais s'il y avait autre chose, d'encore plus inavouable. L'histoire est donc complexe, truffée de retournements, de manipulations, de manœuvres obscures, de trahisons. Et en écoutant Monsieur X, j'ai vraiment eu l'impression de me trouver dans l'univers de John le Carré. Je vous propose aujourd'hui la première partie de ce long entretien que mon interlocuteur m'a accordé. J'ai longtemps hésité avant de choisir de vous parler de l'affaire Ames, une histoire encore très récente et qui est sans doute, passez-moi l'expression, la plus grande tuile qu'ait jamais connue la CIA. Ouais, et pourquoi cette hésitation ? Bien parce que je ne suis pas sûr d'en connaître encore tous les tenants et aboutissants. Bah, vous voilà, bien modeste pour une fois. Je n'ai jamais prétendu tout savoir. Ouais, heureusement. Et puis ça ne vous étonnera pas, nos amis américains sont parfois très cachetiers, surtout lorsqu'ils n'apparaissent pas à leur avantage. Ouais, ça peut se comprendre, non ? Oui. Enfin, nous-mêmes, dans les services, avons été très discrets lorsque nous avons connu des fiascos, alors, n'est-ce pas ? Mais vous avez quand même choisi aujourd'hui d'évoquer cette affaire, alors. Oui, et nous allons essayer ensemble d'y voir clair dans cette affaire de poupée russe, et ce n'est pas du tout un jeu de mots, hein. Car plus on avance dans le dossier ténébreux, plus on découvre d'éléments nouveaux et troublants. Alors d'accord, mais par où on commence ? Par la fin, et par une poignée d'images. Le 22 février 1994, au petit matin, les habitants d'une petite rue paisible d'Arlington, une cité résidentielle de Virginie, sont réveillés par un déploiement policier sans précédent. Ce sont des agents fédéraux qui sont mobilisés. Ouais, le FBI, donc. Oui, ouais. Et sous les objectifs des caméras de télévision, les policiers investissent une confortable maison de Randolph Street. Et bientôt, ils en ressortent avec un couple monotone. Aldrich Ames et son épouse, Maria del Rosario. Autant vous dire que dans le quartier, c'est la stupeur. On ne comprend pas. Non, pour tous les habitants de cette rue tranquille, Ames est un fonctionnaire du département d'État, un homme sans histoire. Personne ne sait que c'est un des responsables les plus importants de la CIA, le chef du contre-espionnage de l'agence. C'est-à-dire l'homme qui est chargé de protéger l'agence contre toute manœuvre d'infiltration. C'est ça, oui. Ouais. Grâce aux déclarations des porte-paroles du FBI, on va rapidement apprendre que ce chasseur de taupes est en réalité une taupe lui-même. un agent des Soviétiques, puis aujourd'hui des Russes. Ouais, et c'est le scandale. Alors. Évidemment. Mmh. Ce type, ce salaud, comme on l'appelle dans la presse, a livré de nombreux agents qui travaillaient pour les États-Unis. Des espions qui ont été arrêtés et fusillés après avoir été dénoncés par Ames. Mmh. Et tout cela est donc rendu public ? Oui, et ça ne manque pas d'étonner. Pourquoi ? Parce qu'il est rare de donner autant de publicité à l'arrestation d'un tel personnage. Dans les services, on préfère la discrétion. Et dans la mesure du possible, avant d'envoyer éventuellement les gens en prison, on lave d'abord son linge sale en famille. Surtout quand c'est une affaire qui risque de provoquer pas mal d'éclaboussures. Oui, il y a donc une volonté derrière. Ah, contestablement. Mais le second sujet d'étonnement, c'est l'intervention du FBI. Mais pourquoi ? Parce qu'il aurait été logique que ce soit d'abord des agents de la CIA qui interpellent Ames et mènent une enquête interne avant éventuellement de confier la taupe aux policiers fédéraux. D'autant qu'il a toujours existé une rivalité entre ces deux services. Oui, un problème de compétence. Naturellement, en principe, la CIA n'agit que sur les théâtres extérieurs, tandis que le FBI est chargé de la sécurité intérieure. Non, mais ça n'a pas toujours été le cas, hein. Non, non. La CIA a l'occasion à tremper dans pas mal d'histoires où elle n'avait rien à faire. Ouais, le Watergate, par exemple. Mais c'est juste. Et le FBI, par ailleurs, n'a jamais hésité à empiéter sur le domaine de la CIA. Donc, bah, dans cette affaire, il y avait une matière à s'interroger. Ouais. Bah, la rivalité entre les services, on connaît aussi en France, hein. C'est juste, nous en avons souvent parlé. Mais attendez, il y a encore de nombreux sujets d'étonnement. Je vous écoute. Très vite, des informations filtrent sur la trahison d'Adrich Ames. Il serait devenu un agent soviétique en 1985. Comment ? Bon, c'est très simple. À court d'argent, il a simplement été frappé à la porte de l'ambassade de l'URSS à Washington. Oui, pour proposer ses services ? Oui. Contre rétribution. Bien sûr. Ouais. Et à l'époque, Ames travaille déjà à oui. la CIA ? Ouais. Oui, mais il n'occupe pas encore le prestigieux poste de chef du contre-espionnage. Peu importe d'ailleurs. C'est quand même un agent important de la CIA. Et moi, j'imagine mal un espion américain se présenter de cette façon à l'ambassade soviétique. Pourquoi ? Ou parce que ce bâtiment diplomatique est surveillé en permanence par les Américains. On sait qui y entre et qui en sort. Donc il faudrait faire preuve d'une imprudence insensée pour agir ainsi. D'autant qu'il y a d'autres méthodes pour entrer en contact avec l'adversaire. Dites-moi quoi ? Oh, les réceptions diplomatiques, les inaugurations, les premières des représentations artistiques. On y trouve toujours un diplomate soviétique ou d'un pays de l'Est. Ouais, et comme la moitié au moins de ces types-là sont des agents, ça n'est guère difficile d'engager la conversation le plus benoîtement du monde. Et sans attirer l'attention. J'ajoute, mais nous y reviendrons, que le fait que l'URSS ne soit plus l'URSS n'a rien changé. La Russie essaie toujours d'espionner les États-Unis, et la réciproque est vraie, bien sûr. Ouais. Autre motif d'étonnement ? Oui. La presse américaine, informée par les bons soins de la CIA et du FBI, trace un curieux portrait d'Aldrich Ames. C'est-à-dire ? Ames est décrit comme un type paresseux, un viveur qui ne pense qu'à l'argent et qui boit comme un trou. Bah, les espions ne sont pas toujours ça, moi je pense aux fameux espions de Cambridge. Et le biseau. Bon, ouais. C'est vrai que la plupart buvaient plus que de coutume. Et ça ne s'est pas arrangé quand Philby, McLean et Burgess ont trouvé refuge en URSS. Enfin, passons. Ce qui est important, c'est qu'on présente réellement Ames comme un type minable, quasiment incapable. Mmh. Alors on se demande comment il a pu accéder à de si hautes fonctions, hein, des fonctions très sensibles en outre. Assurément. Alors c'est bien qu'on peut mettre en cause la bureaucratie de l'institution, l'incompétence de certains fonctionnaires, ou tout simplement je m'en foutisme, mais ça ne tient pas longtemps. Le chef du contre-espionnage au sein de la CIA ne peut pas être un second couteau. Ouais, je veux bien vous croire, mais expliquez-moi alors pourquoi on présente ainsi Ames ? Eh bien, je vais tenter de répondre, je vous promets, mais pas tout de suite. Allons bon. Je ne veux pas vous faire languir par plaisir, mais cette affaire est si complexe et si trouble aussi qu'on ne peut pas aller trop vite et qu'il faut d'abord essayer de comprendre. Alors, je vous propose d'abord de nous intéresser plus précisément à la personnalité d'Aldrich Ames et à son parcours. Mmh, volontiers. Ames est né au début des années 40, je me souviens plus de la date exacte. Son père est professeur d'histoire, enfin il faut le noter, c'est aussi un collaborateur des services secrets. La CIA ? Oui. Mmh. Tel père, tel fils, hein. Sauf qu'à ma connaissance, le père d'Aldrich, lui, n'a pas trahi. D'accord. Donc je pense que c'est par l'intermédiaire de son père que Ames s'est engagé à la CIA ? Sans nul doute, on l'a embauché en toute confiance. Ouais. Et en quelle année, ça, à peu près ? En 1963, je crois. Ouais. Il a alors tout juste une vingtaine d'années. Oui, hein, ouais. Oui. Et il a fait des études ? Des études très passables. Après le secondaire, il a passé 2 années à l'université. Il n'y a pas brillé exagérément. Ouais, ce n'est donc pas un sujet d'exception. Loin de là. Et pourtant, c'est ce parfait américain moyen qui va peut-être devenir le plus grand espion du siècle. Étonnant, non ? Là, vous avez une arrière-pensée. Bien évidemment. En matière de renseignement, rien n'est pire que de croire au hasard. Une fois n'est pas coutume, je vous propose d'éclairer le récit de Monsieur X par une citation, extraite d'un roman. Un roman de Frédéric Forsyth, intitulé « Icône ». En effet, l'écrivain y a mis en scène Aldrich Ames, et manifestement très bien informé des rouages des services secrets, il explique ce qu'est le contre-espionnage, organisation clé au sein d'un service de renseignement. Chaque service de renseignement dispose en son sein d'une équipe dont la mission est de contrôler la fiabilité de chacun, ce qui la rend évidemment peu populaire. Le contre-espionnage remplit trois principales fonctions. D'abord, il assiste et préside au débriefing des transfuges ennemis afin de déterminer s'il s'agit d'une véritable défection ou d'un plan d'infiltration machiavélique. Sous le couvert de quelques renseignements véridiques, en effet, un faux transfuge peut propager une désinformation systématique, soit en persuadant ses nouveaux employeurs qu'aucun traître n'existe parmi eux, soit en les conduisant vers une multitude de pistes erronées et de cul-de-sac. Dans ce cas, une greffe intelligemment menée peut représenter des années de travail stérile et de vains efforts. Ensuite, le contre-espionnage garde l'œil sur ceux de l'autre camp qui, sans avoir clairement tourné kazakh, acceptent de collaborer, mais pourraient être en fait des agents doubles. Restés aux ordres de ses supérieurs, l'agent double distille quelques informations réellement fiables pour obtenir la confiance de l'ennemi, ce qui lui permet ensuite de semer la confusion. Enfin, le contre-espionnage doit vérifier en permanence que son propre camp n'a pas été infiltré, ne compte pas de traîtres dans ses rangs. Forsyth ajoute que pour l'adversaire, l'infiltration d'une taupe dans ce groupe de contre-espionnage est donc l'objectif suprême, puisque c'est le seul département où on a accès à tous les dossiers et à toutes les sources. Quel est ensuite le parcours de Ames? Eh bien, grâce à papa, il entre donc à la CIA. Pour commencer, qui fait-il? Il occupe plusieurs postes subalternes. Il végète, quoi. Oui, la meilleure preuve, c'est qu'au cours de ses longues années, il ne lui est offert qu'un poste à l'étranger. Où? À Ankara. Mais il revient bien vite à l'anglais, près de Washington, où se trouve, comme vous le savez, le gigantesque siège de la centrale américaine. Et sa vie privée? Elle n'est guère brillante. Ames a pourtant fait un beau mariage avec l'héritière d'une grande famille de la côte Est. Mais il mène une vie de patachon, il boit, il découche régulièrement. Tant et si bien qu'un beau jour, son épouse le quitte. On s'en prend de la précaution de déménager préalablement la maison. Ames, voilà donc seul, hein. Mais est-ce que cette vie dissipée n'attire pas l'attention sur lui? L'attention de ses supérieurs, vous voulez dire? Ah oui, naturellement. Oui. Bah franchement, ça, je n'en sais rien. Effectivement, ça aurait dû, pour des raisons de sécurité. Un fonctionnaire d'un service de renseignement qui mène une existence aussi agitée risque de devenir une cible pour l'adversaire. Ouais. Et vous pensez que ça a été le cas pour Eldridge Ames, puisque vous ne croyez pas, hein, à la fable de son offre de service à l'ambassade de l'URSS? Encore une fois, je l'ignore, mais le KGB devait certainement l'avoir à l'œil depuis un bon bout de temps. Toutefois, je crois que le grand tournant pour lui se situe en 1981. Ouais, c'est-à-dire son vrai recrutement. C'est vraisemblable. Alors que se passe-t-il donc en 1981? Ames s'est nommé à Mexico. Là, il commence comme d'habitude à se conduire de façon tout à fait détestable. Ouais, c'est-à-dire qu'il continue à boire. Oui, il choisit comme compagnon de beuverie un diplomate soviétique en poste à l'ambassade de Mexico. Un type qui appartient naturellement au KGB. C'est pour le moins imprudent. Mais... comme vous le dites, oui. Et une nouvelle fois, son attitude aurait dû attirer l'attention de ses supérieurs, car son ivrognerie est de notoriété publique. À plusieurs reprises, alors qu'il est complètement ivre, c'est la police mexicaine qui doit le ramener chez lui. C'est pas très discret, en effet. Mais Ames va soudain s'amender. Apparemment, en tout cas. Pourquoi? Parce qu'il fait la rencontre d'une charmante attachée d'ambassade. Américaine? Non, colombienne. Elle se prénomme Maria del Rosario, et c'est une universitaire brillante, issue d'une bonne famille de Bogota. D'après ce que vous m'avez dit, Ames n'a pourtant rien pour séduire une intellectuelle, hein. Oui, je suis d'accord, mais c'est quand même le cas. Et vous trouvez ça louche? Oui, et la suite montrera que je n'ai sans doute pas tort. Enfin, n'allons pas trop vite, si vous voulez bien. Attendez, ça mérite tout de même une explication. Cette Maria del Rosario aurait quelque chose à voir avec le recrutement de Ames par le KGB? C'est possible, oui. Mais il me faut l'avouer, je n'ai nulle preuve. Il y a un indice, pourtant. Quoi? Maria del Rosario n'est pas tout à fait étrangère au monde du renseignement. Ames va même la faire engager par la CIA. Pour quelle besogne, alors? La jeune femme va être chargée d'infiltrer le cercle des étudiants cubains qui résident à Mexique. Ouais. Est-ce qu'il existe une liaison amoureuse entre cette Maria del Rosario et Eldridge Ames? Bien évidemment, ils deviennent rapidement amants, et un peu plus tard, lorsque Ames se divorcera, il se mariera avec Maria del Rosario. Ouais. En tout cas, vous insinuez que c'est cette femme qui l'a recrutée. Écoutez, je ne me sens pas le droit de l'affirmer aussi clairement. Ouais, d'accord. Alors, voyons la suite de sa carrière. Ames revient aux États-Unis en 1983, et là, brusquement, tout change pour lui. Expliquez. On lui propose d'occuper un des postes les plus prestigieux au sein de l'agence. Un des plus sensibles aussi. C'est-à-dire le contre-espionnage, c'est oui, bien, ouais. Chef du contre-espionnage de la CIA, je vous le rappelle, mais vous devez le savoir que le responsable d'un tel département est pratiquement le seul personnage à connaître non seulement l'identité des sources extérieures... C'est-à-dire les agents opérant à l'étranger. C'est ça. Mais aussi l'identité des agents de l'intérieur. Ouais. Il peut donc disposer de tous les fichiers. Pratiquement. Puisque son boulot consiste à chasser les taupes où qu'elles soient. Ça veut dire qu'il doit surveiller tout le monde, hein, découvrir les failles de tel ou tel. Oui. Ben, il aurait pu commencer par lui-même. Vous avez tout à fait raison. Faut noter, mais c'est très important, que la règle dans un service de renseignement, c'est de compartimenter les activités. Oui, pour éviter qu'une taupe ne détruise tout l'édifice. Bien sûr. Et la seule exception, c'est justement le département chargé du contre-espionnage. Outre attribution de ce groupe très particulier, l'évaluation des transfuges. Il s'agit de déterminer si on a affaire à de vrais transfuges ou à des agents ennemis chargés de missions de désinformation. Des agents de haut bruit. Et on en parlera. Mais je pense déjà vous avoir convaincu que dans un service de renseignement quel qu'il soit, cette responsabilité du contre-espionnage est essentielle et écrasante. Voilà. Or, on confie ce poste à un type au passé trouble, hein, et aux performances très moyennes. Et un ivrogne, je le rappelle. Et surtout un employé qui n'a exercé jusque-là que des fonctions subalternes. Ouais, alors vous avez une explication, forcément. Il n'y en a que deux. Ah, mais je vous écoute. La première qui vient à l'esprit, c'est que Aldrich Ems dispose dans les instances dirigeantes de l'agence de puissantes protections. Ouais. Mais les protections qui ne se sont pas manifestées avant la nomination de Ems à la tête du contre-espionnage. C'est juste et c'est aussi très troublant. Pourquoi ? Bah parce que ça voudrait dire qu'il y a quelque part, au sommet de la hiérarchie, un ou des personnages qui éprouvent le besoin subi, urgent, de placer Ems à ce poste. Ouais, une sorte de parrain aux motivations troubles. C'est évident, un protecteur très intéressé. Intéressé à dissimuler peut-être ses propres turpitudes. Pourquoi pas ? Avec Ems à la tête du contre-espionnage, il est désormais tranquille. Et la deuxième explication, alors ? Elle n'est pas forcément contradictoire avec la première. Si M s'est nommé à un poste aussi important, c'est qu'il a soudain fait la preuve de ses compétences. Après tant d'années de médiocrité ? Eh oui. Soyez plus clair. D'accord. Imaginez que l'agent M ait soudain procuré à ses chefs des informations de première main. Des informations sur les pays de l'Est ? Bien sûr. Alors d'un seul coup, M se monte dans l'estime de ses chefs, et quand il s'agit de nommer un nouveau patron du contre-espionnage, grâce à ses récents exploits, il figure dans la liste des postulants. Ça paraît logique. Ouais. Reste à savoir comment il a obtenu ces informations de première main. C'est effectivement la question la plus intéressante. Ouais. Et votre avis, alors ? Bah pour moi, il n'y a qu'une explication possible, c'est qu'on lui a donné ces informations. Ouais. Pour le faire grimper dans la hiérarchie ? Oui, dans ce seul but. Alors qui ? Le KGB. Le KGB, qui aurait donné à Ems de vraies informations, c'est-à-dire des informations susceptibles de nuire à l'URSS. Mais pourquoi ça vous étonne ? Si on veut faire une bonne pêche, il faut parfois rejeter à la mer quelques petits poissons qui servent d'appât, non ? Pour empêcher de plus gros. Exactement. Et pour moi, c'est la preuve que le recrutement d'Aldrich Ems en 1985 est une fable. Et pourquoi alors ? Parce que Ems est nommé à la tête du contre-espionnage en 1983, 2 ans avant 1985, l'année où on placera plus tard cette fiction de l'agent de la CIA désargenté qui prend le risque d'aller se présenter à l'ambassade soviétique de Washington. Au début de l'année 1996, le Pentagone publie un rapport sur l'affaire Ems. J'en extrais ces quelques lignes reproduites par l'événement du jeudi. L'avis d'Aldrich Ems, fils d'un agent de la CIA alcoolique en poste à Rangoon, Birmanie, n'a été qu'un long dérapage. Après des études d'histoire et des velléités de comédien, son père le fait entrer à la CIA comme petit employé. Son premier poste est à Ankara où, en 1971, son chef le décrit comme paresseux, dispersé, et pas fait pour la vie d'un agent opérationnel en poste à l'étranger. Il ajoute, il lui faut un poste tranquille, loin des lignes de front de la guerre froide. Ems est un alcoolique. On l'a souvent ramassé dans le caniveau. Il lui est arrivé de perdre des documents confidentiels et de manquer des rendez-vous secrets de première importance. En 1981, il est nommé à Mexico, un nid d'espions du KGB. Il y fait la connaissance de Maria del Rosario Casas Dupuis, colombienne de 29 ans, bourgeoise sans fortune. Ils tombent amoureux. En 1983, il est nommé à la tête de la branche soviétique du groupe de contre-espionnage de la CIA. Poste ultra sensible. Il n'est pas de niveau. Mais il parle le russe couramment. Et derrière ses allures de professeur tournesol, ses supérieurs sont persuadés que se cache un génie. Ces informations, qui recoupent en partie celle de M. X laisse perplexe. Comment cet agent, paresseux et alcoolique, est-il devenu soudain un génie aux yeux de ses supérieurs ? Mystère, à moins que les tentatives d'explication de M. X ne soient vraiment les bonnes. Je vous propose maintenant d'examiner la version officielle de l'affaire Ems. Celle des enquêteurs, vous voulez dire ? C'est-à-dire celle qu'on rendra publique après l'arrestation de la taupe. Mmh. Et qui est donc, selon vous, largement sujette à caution. Bien sûr. Alors écoutez avec un esprit particulièrement critique. Mais je vous écoute toujours avec un esprit critique. Je n'en doute pas. En 1985, Hems, chef du contre-espionnage de la CIA, a des difficultés pécuniaires. Pourtant, il doit avoir un bon salaire, non? Je l'imagine. Désolé, je ne connais pas le chiffre. Pourquoi a-t-il des problèmes d'argent? Parce qu'il vient de divorcer et qu'il doit verser une importante pension alimentaire à son ex-épouse. Ouais, jusque-là, je n'ai rien à dire. Hein. D'autre part, Maria del Rosario n'aime pas vivre chichement. Mais en fait, elle est toujours employée de la CIA, non? Non, non. En accompagnant Aldrich à Washington, elle a cessé ses fonctions. Ah, ils n'ont donc plus qu'un salaire. C'est cela. Alors Hems réfléchit à la façon de gagner beaucoup d'argent d'un seul coup pour en finir avec ses difficultés. Il dira plus tard, après sa condamnation, qu'il avait même pensé à braquer une banque. C'est crédible ou c'est seulement pour accréditer cette histoire de manque d'argent? Vous jugez. Enfin, je poursuis. Un beau jour d'avril 1985, il s'en va donc tout bonnement à l'ambassade soviétique. Et là, comment dire, il se présente Oui, il demande à parler au responsable de l'antenne du KGB à Washington. Le résident, comme on l'appelle. Ouais, c'est un diplomate, j'imagine. Oui. Très vite, il est mis en présence de ce personnage. Ça paraît vraiment très très simple. N'est-ce pas? Ouais. Et là, que lui dit-il? J'ai besoin d'argent? Oui, c'est à peu près ça. Enfin, je suis prêt à trahir contre des dollars, beaucoup de dollars. Mm-hmm. Mais est-ce que ce jour-là, on a toujours la version officielle, il donne des gages à l'homme du KGB? Alors toujours, selon la version officielle, il offre à son interlocuteur du KGB trois noms. Ceux de trois agents doubles soviétiques qui ont fait des offres de service à la CIA. Ouais, l'inverse de Hems, en somme. Exactement. Le résident du KGB apprécie à sa juste valeur le tuyau d'Aldrich Hems, et en contrepartie, il lui remet tout de suite quelques milliers de dollars. Mais bien sûr, les deux hommes conviennent d'établir rapidement un nouveau contact. Le soviétique laisse miroiter à Hems que les prochains renseignements pourraient être payés plus cher. Beaucoup plus cher. Ouais, et voilà Hems appâté. Et il ressort tranquillement de l'ambassade. Ouais. Et naturellement, il devrait être filmé une deuxième fois par les caméras du FBI. Oui, mais enfin ça n'apparaît pas dans la version officielle, parce que ça ficherait en l'air toute cette belle fiction. Ouais, continuez. Alors, que se passe-t-il ensuite alors? Bah, il y a de nouveaux rendez-vous. Où? Dans un restaurant à la mode de Washington. Dans un lieu public, donc. Et comme vous pouvez vous en douter, ce n'est pas le résident du KGB qui vient à chaque fois, mais un de ses sous-fifres. Discrétion oblige. Encore que... Que voulez-vous dire? Eh bien, toujours en tenant compte de la version qui sera développée après l'arrestation d'Aldrich Hems, celui-ci ne faisait pas montre d'une particulière discrétion. Moi, j'avais déjà cru comprendre. Hein. Lorsqu'il avait un rendez-vous avec son officier traitant du KGB, il fourrait tous les documents qu'il voulait communiquer à son officier traitant dans un sac en plastique et il quittait paisiblement son bureau et montait dans sa voiture. Avec ses documents ultra-secrets sous le bras. Tout à fait. Et donc, sans prendre la peine de faire des photographies. Non, Aldrich Hems était vraiment une taupe très tranquille. Un peu trop tranquille. En effet, car il ne prend vraiment aucune précaution pour dissimuler ses coupables activités. Préciser quand même. À chacune de ses livraisons, il est payé. Et grassement payé. On a parlé de plusieurs millions de dollars. Et quand on connaît la pingrerie des soviétiques, ce sont des sommes considérables. Ouais. Donc, ces sommes sont destinées à rétribuer des informations de première importance. On peut y venir. La règle, quand elle est valable pour tous ceux qui reçoivent de l'argent dont ils ne peuvent justifier l'origine, c'est la discrétion. Oui, des comptes en Suisse ou aux Bahamas, c'est ça. Ou dans n'importe quel autre paradis fiscal. De l'argent qu'en général qu'on laisse dormir jusqu'au moment où on pourra l'utiliser sans risque et surtout sans éveiller l'attention de la police ou du fisc. Ouais, en changeant par exemple de train de vie. Exactement. Mmh. Or pour Hems, foin de toutes ces précautions, il dépense et il ne s'en cache pas. Ouais, et qu'est-ce que c'est que ces dépenses très visibles? Hems s'achète une maison, des objets de luxe, des tableaux, une Jaguar. Enfin bref, il mène la grande vie. Plus tard, il se rendra même propriétaire d'une villa de vacances et d'un appartement en Colombie. Ouais, effectivement, c'est pas très discret. Et dans son entourage professionnel et privé, on ne s'étonne pas de ce soudain changement de fortune. Certains, c'est sûr, se posent des questions. Mais Aldrich a réponse à tout. Il a fait un héritage, dit-il. Un héritage du côté de sa femme. En Colombie. Et puis, grâce à cet argent, il a réalisé des placements très fructueux. Ce sont quand même des explications qui ne peuvent pas durablement tenir. Hein. Je pense en particulier à l'administration fiscale. Eh bien, détrompez-vous. Hems n'est pas inquiété le moins du monde. Ouais. Autre élément qui pose des questions, hein, les soviétiques. Que voulez-vous dire? Bah, ils sont bien placés pour savoir que leur taupe risque d'attirer les soupçons en dépensant ainsi, à tort et à travers, l'argent qu'ils lui donnent. C'est juste. Mais là encore, la vie dispendieuse de leur agent ne semble pas les inquiéter. Malgré toutes ces imprudences manifestes. Oui. Ouais. J'avoue que j'ai du mal à comprendre. Hein. Ah, vous avez parfaitement raison, car les imprudences, Hems ne va pas cesser de les accumuler. Tenez, quand il sera arrêté, on trouvera chez lui des documents accablants. Quoi? Des papiers ultra-secrets du Pentagone, des listes de noms de personnel de la CIA. Tout ça dans une simple boîte rangée dans un placard. Mieux, les types du FBI vont découvrir une mine de renseignements sur le disque dur de son ordinateur. C'est bien simple, ce type conservait tout. Curieux espion tout de même. Et pas très cachotier, n'est-ce pas? La première explication qui vient à l'esprit, c'est que Hems se sentait invulnérable. Oui, c'est d'autant plus vrai qu'à plusieurs reprises, il a failli être pris. Parce qu'il a été soupçonné? Bon, disons qu'il faisait partie d'un lot de suspects. Et je vous expliquerai plus tard pourquoi. Mais à chaque fois, il s'en est sorti. Il a même passé deux fois avec succès le test du détecteur de mensonges. Et comment a-t-il fait, alors? Je vais d'abord vous donner mon opinion sur cet appareil dont les Américains se sont entichés. Et auquel ils font une confiance absolue, hein. Ouais, mais quel est le principe de cet appareil? Je crois qu'il enregistre l'émotivité du sujet lorsqu'il ment. C'est à peu près ça, oui. Alors un homme sûr de lui peut parfaitement passer le test sans montrer d'émotion particulière. Un homme sûr de lui ou un homme qui se sent invulnérable? Oui, enfin, c'est la même chose. Mmh. Et on en revient à ce que vous disiez précédemment. S'il se sent invulnérable, c'est qu'il est protégé. Je crois que vous n'êtes pas très loin de la vérité en ce qui concerne Himes. Alors, venons-en aux soupçons. Pourquoi il a été soupçonné? À cause de toutes ses imprudences? Non, aussi étonnant que cela paraisse. Aldrich Himes a été soupçonné, comme beaucoup d'autres agents de la CIA, parce qu'au milieu des années 80, les responsables de l'agence ont eu la conviction qu'il existait une taupe. Et cette conviction? De nombreux espions américains en URSS avaient été arrêtés. La plupart l'ont payé de leur vie. C'est-à-dire qu'ils avaient été dénoncés. C'est évident. Alors on a commencé à chercher qui pouvait bien connaître le nom de ces agents. Et Himes faisait partie du lot. Mais, et c'est le paradoxe de toute cette affaire, Himes, en tant que chef du contre-espionnage, était aussi du côté des chasseurs. Ah, il lui était donc facile d'échapper au piège qu'on pouvait lui tendre. Bien entendu, il pouvait continuer son sale boulot, lui et celui ou ceux qui le protégeaient ou le manipulaient. Arrêtons là la première partie de cet entretien. La suite n'est pas moins riche de révélations sur cet étrange espion. Mais, disons-le tout de suite, les conséquences de cette affaire ont été considérables. Voici par exemple ce qu'écrit en 1994 Édouard Sablier dans Spectacle du Monde. Une période douloureuse va s'ouvrir pour la CIA. Les journaux, la radio, la télévision outre-Atlantique n'épargnent aucune critique. Le plus grand désastre de l'histoire de la défense nationale. L'affaire Himes révèle au grand jour l'extraordinaire incapacité de la CIA. Il va falloir ouvrir des milliers de dossiers pour découvrir l'étendue des dégâts. Toutes les opérations dont Himes a eu connaissance, de près ou de loin, sont irrémédiablement compromises. Tous les agents dont la CIA et les autres organisations de sécurité disposaient à l'intérieur de la Russie sont probablement inutilisables. La colère du Congrès est une redoutable menace pour l'avenir de la centrale du renseignement, mais aussi pour l'avenir des relations avec la nouvelle Russie. Nous ne payons pas les Russes pour que des traîtres comme Himes reçoivent des millions, proclame un député républicain de New York à la Chambre des représentants. Il est inouï, étant donné l'ampleur de l'assistance que la Russie quémande chez nous et ailleurs, et que les Russes puissent encore trouver des fonds pour payer leurs espions, affirme un autre. À samedi prochain pour la suite du récit de Monsieur X, et je vous rappelle que vous pouvez nous écrire et aussi consulter notre site sur internet www.franceinter.com.